Je peux te dire que tu déchantes. Je peux te dire que tu déchantes. La vieille, qu'est-ce qu'elle a à gueuler. La vieille, qu'est-ce qu'elle a à me faire chier. La vieille, qu'est-ce qu'elle a à râler. La vieille, qu'est-ce qu'elle a à gueuler. La vieille, qu'est-ce qu'elle a à me râler.